إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous entamons un nouveau cours concernant l'ouvrage Kun Salafiyan ala al-Jadda du Cheikh Abd al-Salam al-Suhaimi hafidhahullahu ta'ala. Et nous sommes arrivés au 11e chapitre dans lequel le cheikh nous dit « Dawabit yajibu mura'atuha bin nisbati lil afrad wal jama'at » Donc des paramètres à prendre en considération concernant les personnes ou les groupes de personnes. « Wa hadhihi dawabit » Donc c'est paramètres. En annotation, le Cheikh Hafidhah Allah dit هذه الضوابط ذكرها الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله في كتابه منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف وما بعدها ونقلتها لأنها تمثل خلاصة لمنهج السلف في هذا الباب. Donc il dit que ces paramètres ont été cités par le grand savant, le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullahu ta'ala, dans son ouvrage qui s'appelle « La voix des adeptes de la sunna et du groupe dans la critique ou la réfutation des hommes, des livres et des groupes ». Et il a aimé les citer ici, ces paramètres, parce qu'elles représentent le résumé, en résumé, le chemin ou la voie des pieux prédécesseurs dans ce chapitre. وهذه ضوابط تحدد من يجب احترامهم وإكرامهم من البشر فلا يجوز أن تمس كرامتهم وتحدد من يجوز الكلام فيهم ونقدهم بل يجب عند الحاجة والمصلحة دون تعريج على محاسنهم. Et donc, ces paramètres viennent à préciser qui sont les personnes ou les groupes de personnes dont il est un devoir, une obligation de respecter, d'honorer parmi les hommes. Et donc, de ce fait, il sera interdit d'atteindre ou de toucher leur honneur. Et ces paramètres aussi viennent à préciser, à démontrer qui sont les personnes ou les groupes de personnes dont il est permis de faire la critique ou la réfutation. Même dans le besoin, cela devient une obligation car il y a la nécessité et on n'est pas dans le besoin au même moment de parler de leur bon côté. Man yajibu takrimuhum, ceux dont les personnes dont on est obligé d'honorer et de faire preuve de respect envers eux. Awalan, premièrement parmi ces personnes, ar-rusul wal-anbiya, les messagers d'Allah et les prophètes d'Allah عليهم الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. Les messagers, les prophètes il y a une interdiction totale de faire une quelconque critique ou une réfutation à leur encontre. Car ce sont les envoyés d'Allah et ils transmettent le message et la révélation d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc, ce qu'ils transmettent est toute la vérité. Donc, nos opinions, nos raisonnements, les idées qu'on peut avoir, les idéologies, sont toutes à remettre en cause face aux paroles des prophètes et des messagers, alayhim assalatu wassalam. Lorsqu'il y a la parole d'un prophète, la parole de quelqu'un d'autre n'a plus lieu d'être. Et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah dit bien dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ô vous qui avez cru, ne faites rien devancer. Ne faites pas passer une chose devant Allah et son messager. Alayhi salatu wa salam. Thaniyan, as-sahabatul kiram, ridwanullahi alayhim ajma'in. Deuxième catégorie de personnes dont il est un devoir, une obligation d'honorer et de faire preuve de respect, les compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et qu'Allah les agrée tous. فَلَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْأُمَّةِ إِلَّا الْحُبْ وَالتَّوْخِيرِ. De la part de la communauté, ils ont droit à recevoir de nous tout le respect et tout l'amour. Donc, il est interdit de parler en mal, de dénigrer, de rabaisser, de faire passer ses opinions avant leur opinion aux compagnons, radiallahu ta'ala anhum. Les chiites, qu'Allah leur donne la punition qu'ils méritent, se sont trompés de chemin et ne sont pas dans le droit chemin. Et ils ont pris comme ennemis les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Et de ce fait, ils sont nos ennemis. Car ceux qui détestent les compagnons, nous, on les déteste. Et ces gens-là viennent à dire que les compagnons ne sont pas musulmans, wal'iyadu billah. Et combien dans la communauté ont de la sympathie, pour être gentil, envers les chiites, si ce n'est qu'ils entrent dans les doctrines ou idéologies des chiites, wal'iyadu billah, qui sont complètement contraires à l'islam. Tellement que les gens sont loin des préceptes islamiques, sont loin des notions religieuses, sont ignorantes des textes et de la voix des pieux prédécesseurs, ils jugent d'eux-mêmes qui est bon de qui n'est pas bon. Et parfois pour certains, c'est la politique ou les positions politiques qui feront que telle personne est dans le droit chemin ou dans un mauvais chemin, wal'iyadu billah. Comme si c'était cela le critère pour juger qui entrera au paradis, de qui entrera dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Les chiites, dans leur véritable doctrine, parce qu'ils montrent aux gens, car fait partie de leur religion, de montrer autre chose. C'est ce qu'ils appellent la taqiyya, qui est le 9/10 de leur religion. Pour eux, c'est un acte d'adoration de montrer à des gens le contraire de ce qu'ils ont dans leur fort intérieur. Ils ne reconnaissent pas le Coran qu'on a entre nos mains, révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent qu'il est falsifié, alors qu'Allah s'est pris garant de le préserver. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certes, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui le préserverons. Ils disent que le véritable Coran, il est 4 fois plus volumineux que celui qu'on a. Et ils l'appellent Mushaf Fatima, radiallahu anha. Et Fatima, et Ali, radiallahu anhuma, wal Hassan, wal Hussein, radiallahu anhuma. Et la famille du prophète, sallam, sont innocents, complètement, de ce que prétendent et disent les chiites, qui se cachent derrière des prétentions en disant que tout ce qu'ils font, c'est par amour pour la famille du prophète. Comme les chrétiens qui disent que tout ce qu'ils font, c'est par amour pour Jésus et pour Marie, alayhim as-salam. Mais Isa, alayhim as-salam, et Maryam, alayhim as-salam, sont innocents de ce qu'ont fait les chrétiens après eux. Sont innocents du fait qu'ils les ont pris comme divinité en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qu'ils les ont invoqués et implorés en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. De même, les chiites ont fait avec les membres de la famille du prophète, alayhi salatu wa salam. Alors que Ahl Sunnah sont ceux qui aiment le plus la famille du prophète, alayhi salam. Mais ils les aiment d'un amour légiféré. Ils les aiment d'un amour qui est accepté et agréé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'amour qu'il leur donne ne va pas au-dessus de l'amour à donner au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ou aux personnes qui ont plus de mérite qu'eux. Et il est connu que chez le sunnah, que parmi les compagnons et la famille du prophète, du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont aussi des compagnons, le plus méritant et celui à qui on doit le plus d'amour, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Puis vient après le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Puis vient après le prince des croyants, Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Puis vient après Ali, le prince des croyants, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Et cet ordre est à respecter. Et Ibn Umar radiallahu anhuma disait, voilà comment on préférait les compagnons dans l'ordre du vivant du prophète alayhi salam, et le prophète alayhi salatu wassalam ne nous reprochait pas cela. Il préfère Abu Bakr, Omar, puis Uthman dans cet ordre-là. Et c'est pour cela que les ulama de la sunna citent cet ordre-là dans les livres de Aqidah pour montrer la croyance et la position d'Ahle Sunna là-dessus. Tayyib. Donc, deuxième catégorie de personnes à qui on doit du respect et qu'on doit honorer, As-Sahabatul Kiram, radiyallahu ta'ala, anhum ajma'in. Wa qad athna Allahu alayhim fi kitabihi athna' al-atir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait leurs éloges et il les a vantés dans son livre. وتحدث عن منازلهم وجهادهم وبذلهم في سبيل الله المال والنفس. Et Allah nous informe dans le Coran de leur degré, de leur combat et de leurs dépenses qu'ils ont fait dans le sentier d'Allah, que ce soit de leur propre personne ou de leur richesse. وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء العاطر أفرادا وجماعات. Et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a fait aussi leurs éloges et il les a vantés d'un point de vue général en tant que compagnon et il a précisé certains d'entre eux. واعتنى بفضائلهم ومكارمهم أئمة الإسلام. Et les imams de l'islam ont cité le bienfait de ses compagnons et ils ont fait leurs éloges et ils ont parlé de leurs mérites. فَأَلَّفُوا فِي فَضَائِلِهِمْ وَمَنَاقِبِهِمْ الْمُؤَلَّفَاتِ الْكَثِيرَةِ. Et ils ont écrit sur les mérites et les bienfaits et de la place des compagnons beaucoup d'ouvrages. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبهم. Et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم lui-même a interdit, a mis en garde contre le fait de les insulter. فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim N'insultez pas mes compagnons par celui qui détient mon âme dans sa main. Si l'un d'entre vous venait à donner en aumône l'équivalent de la montagne de Uhud en or, cela n'équivaudrait pas, ne valerait même pas les deux, la donation des deux mains de l'un d'entre eux, ni la donation d'une seule main. Un sahabi, il donne l'équivalent du contenu d'une seule main ou des deux mains réunies, ça vaut plus que lorsque l'un une personne en dehors des compagnons qui vient après les compagnons, et lui il donnerait en quantité l'équivalent de la montagne de Uhud qui fait plusieurs kilomètres en or. Si on suit la raison, celui qui a donné une montagne de Uhud en or, ça a plus de valeur et il a donné bien plus que celui qui a donné une quantité des deux mains ou une seule main. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit la donation de ce compagnon vaut plus que la donation de l'autre. C'est pour montrer la place des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Wa laqad arafa manzilatahum ahlu sunnati wal jama'a. Et ceux qui ont vraiment reconnu leur place et leur degré, ce sont les gens de la sunna et du groupe. فَحَافَظُوا عَلَيْهَا أَيَّمَا حِفَاظٍ. Et ils l'ont préservé de la meilleure manière. وَنَهَوْا عَنِ الْخَوْضِ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَ عَلِيٍ وَمُعَاوِيَةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. Et ils ont interdit de trop chercher ou de trop s'attarder dans ce qui aurait pu arriver comme problème ou comme conflit entre Ali, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, et Muawiyah radiyallahu anhu. Il s'est passé des choses, il y a eu des disputes ou des conflits entre certains compagnons, mais c'est une chose qui est passée, une chose qu'Allah a décrété qui devait arriver, et chacun a fait son effort de réflexion là-dessus. Celui qui a eu la bonne réponse, il sera récompensé doublement. Pour l'autre qui n'a pas eu la bonne réponse, il sera quand même récompensé une seule fois pour l'effort de réflexion qu'il a fait. Mais tous les musulmans qui viennent après, ils se doivent de ne pas s'attarder là-dessus. Et c'est ce que font les chiites, contrairement à ce que l'islam demande. Ils s'attardent sur ces points-là pour y mettre de l'animosité et de la rancœur et de la haine dans les cœurs des musulmans, pour que les musulmans aient de la haine, de la rancœur et du détestement vis-à-vis de tel ou tel ou tel compagnon, radiyallahu anhum ajma'in. Mais les ulama, lorsqu'ils arrivent à ces sujets, ils en parlent seulement pour parler de ce qui s'est passé, et ils s'arrêtent là. Mais ils ne s'attardent pas là-dessus. Ils ne s'attardent pas là-dessus. وَمَنْ مَعَهُمَا مِنْ بَقِيَةِ الصَّحَابَةِ. Ainsi que les autres compagnons qu'il y avait avec Ali et Muawiyah, رضي الله عنهم اجمعين واثبتوا لهم اجر المجتهدين. Et ils ont reconnu la récompense de ceux qui ont accompli l'effort de réflexion. وحكموا على من يتكلم فيهم او في احد منهم بالزيغ والضلال والزندقه. Et ils ont jugé toute personne qui vient à parler en mal sur eux ou l'un d'entre eux, que c'est une personne déviante, que c'est une personne égarée. Il est même à craindre qu'elle peut même quitter l'islam, qu'Allah nous en préserve. Car des gens parfois s'attaquent à certains, sur certains compagnons, mais le but recherché, c'est de détruire la religion musulmane. Car le Coran, qui l'a transmis aux tabi'in? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il l'a transmis aux sahaba, radiyallahu anhum. Les tabi'in, les seules personnes qui leur ont transmis le Coran, ce sont les sahaba. La sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il l'a enseignée et il l'a transmise à ses compagnons. Qui l'a transmise aux tabi'in? Ce sont les sahaba, radiyallahu anhum. Remettre en cause les sahaba, c'est remettre en cause ce qu'ils nous ont transmis comme Coran et comme Sunna. Donc, c'est pour détruire l'islam. Pour détruire l'islam. Et voilà ce que veulent les chiites. car ce sur quoi ils sont, ce n'est pas l'islam. C'est une religion inventée de leur part. Même s'il y a parfois des similitudes, mais il y a beaucoup de contradictions avec même les fondements. Les livres de fondements chez les sunnites ne sont pas reconnus chez les chiites. Ils ont leurs propres ouvrages qu'ils ont inventés. Et le fondateur même du chiisme, le premier qui a propagé leur idéologie, c'est un juif yéménite, Abdullah ibn Saba, qui est entré dans l'islam par mensonge, par hypocrisie, pour nuire à l'islam de l'intérieur. Et il s'est fait passer pour quelqu'un qui aime et qui veut redonner la place à la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les chiites qu'on a aujourd'hui sont les héritiers de cet homme-là. Wal'iyadhu billah. Thalithan, troisièmement, التابعون لهم بإحسان من التابعين الذين أدركوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديهم. Troisième catégorie de personnes à qui on doit du respect et qu'on se doit de les honorer, les successeurs aux Sahaba, les tabi'in, les élèves des Sahaba, ceux qui ont pris l'islam, les textes des compagnons d'Allah ta'ala anhum, ceux qui les ont suivis de la meilleure manière et convenablement, ceux qui ont rencontré les compagnons tout en étant musulmans et qui ont pris d'eux et qui ont été sur la même guidée qu'eux. Mithl fuqaha al-Madina al-Sab'a, comme les sept faqih, les sept grands savants de Médine parmi les tabi'in. وَمَنْ جَرَى عَلَى مَنْهَجِهِمْ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ. Et tous ceux qui ont été sur le même chemin qu'eux dans tous les autres territoires. ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالتَّفْسِيرِ الَّذِينَ سَلَكُوا مَسْلَكَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ الْكِرَامِ. Puis ceux qui sont venus, la génération qui est venue après eux, parmi les grands imams dans le domaine du hadith, dans le domaine du fiqh, de la jurisprudence, dans le domaine du tafsir, de l'exégèse du Coran, ceux qui étaient sur le même chemin, qui ont entrepris le même chemin sur lequel étaient les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, et les honorables tabi'in. وَمَنْ سَارَ عَلَى مَنْهَجِهِمْ فِي الْاِعْتِقَادِ وَالْاِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُنَّةِ. Et ceux qui étaient sur le même chemin qu'eux, dans le domaine du dogme, de la croyance et dans l'attachement ferme au livre et à la sunna. وَمُجَانَبَةِ الْبِدَعْ وَالْأَهْوَاءِ وَأَهْلِهَا. Et ceux qui s'éloignaient et qui étaient loin des innovations et des passions et de leurs adhérents. وَالْدِفَاعْ عَنِ الْحَقِّ وَأَهْلِهِ. Et ceux qui étaient dans la défense et qui ont prêté secours à la vérité et aux adeptes de la vérité. إلى يومنا هذا وبعده إلى أن يأتي أمر الله. Et ceci jusqu'à nos jours, depuis leur époque, et tous ceux qui sont sur le même chemin jusqu'à nos jours, et les jours qui vont venir après, jusqu'à que Allah donne l'ordre à l'heure de sonner, jusqu'à la fin du monde. وهؤلاء هم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. Et c'est ceux-là qui sont voulus par la parole du prophète عليه الصلاة والسلام. Il restera toujours dans ma nation un groupe, une communauté qui seront apparents dans la vérité. Ne leur sera d'aucune nuisance ceux qui les délaisseront ou ceux qui les contrediront jusqu'à que vienne l'ordre d'Allah, c'est-à-dire jusqu'à que l'heure elle sonne. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أمثال هؤلاء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله nous dit concernant ces personnes. ومن علم منه الاجتهاد السائر فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له فإن الله غفر له خطأه بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك. Il dit, et ceux qui sont connus pour leur effort de réflexion, il n'est pas permis de les citer en mal ou d'une manière négative. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, a pardonné à celui d'entre eux qui s'est trompé dans son effort de réflexion, Allah lui a pardonné son erreur. Et il est un devoir pour ce qu'il a comme foi et comme piété de lui d'être son allié et de l'aimer et de respecter ses droits et de lui octroyer ses droits, de parler en lui en bien et d'invoquer Allah pour lui. من يجوز نقدهم وتجريحهم وتحذير الناس من ضررهم. Donc on a vu les catégories de personnes qu'on se doit de respecter, d'honorer. Maintenant, d'autres catégories de personnes, ceux dont il est permis de faire la critique, de réfuter et même de mettre en garde les gens contre leur mal. أولاً, premièrement, ويجوز بل يجب الكلام في أهل البدع والتحذير منهم. Et il est permis, même obligatoire, de parler sur les adeptes de l'innovation et de mettre en garde contre eux. ومن بدعهم, et contre mettre en garde contre leurs innovations. أفراداً وجماعات, que ce soit des personnes ou des groupes de personnes. الماضون منهم والحاضرون, que ce soit des personnes ou des groupes passés ou dans le présent. من الخوارج والروافض والجهمية والمرجئة والكرامية وأهل الكلام, comme par exemple les sectes de الخوارج, ceux qui se sont soulevés contre les compagnons, contre Ali radiallahu ta'ala anhu, et leurs héritiers de toute époque jusqu'à même nos jours, Jama'at al-Takfir, hein, les gens qui taxent la communauté musulmane et les musulmans de mécréants et qui appellent au soulèvement contre les gouvernants musulmans, ce sont les héritiers de l'Khawarij. Al-Rawafid, ce sont les chiites. Al-Jahmiyyah, les Jahmites. Al-Murji'ah, al-Karamiyyah, et les gens de la rhétorique. Al-Ladhina, et de la philosophie. Al-Ladhina jarrahum ilmul kalam ila aqaida fasida. Ces gens dont ce qu'ils ont cru comme étant une science, la rhétorique et la philosophie, qu'ils ont pris des nations anciennes comme les Grecs, les Indiens, les Chinois et ainsi de suite, et qu'ils ont traduit en arabe, puis ils ont fait de ces connaissances, si on peut dire, une base dans la religion, et d'elle, ils ont commencé à la rentrer dans le domaine de la croyance et de la croyance et du dogme islamique. Et en faisant cela, ils ont introduit dans l'islam des croyances et des dogmes erronés qui sont faux. Mithl, comme ta'til sifatillahi wa ba'diha, comme le fait de rejeter, de ne pas reconnaître, d'altérer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou certains attributs. Les sahaba radiallahu anhum ne connaissaient pas cette croyance. Ils croyaient en tous les attributs d'Allah sans lui donner aucune ressemblance aux attributs des créatures. Mais ces gens-là ont commencé à réfléchir sur les attributs d'Allah. Et soi-disant, de peur de croire que les attributs ressemblent à ceux des créatures, ils les ont rejetés. et ils les ont reniés, wal'iyadhu billah. Et d'autres, on a renié, on n'a rejeté que certains et on a accepté d'autres. Et tout cela est faux. Il faut tous les accepter. فَهَاُولَا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُمْ وَمِنْ كُتُبِهِمْ. Donc de cela, il est un devoir de mettre en garde contre eux ainsi que leurs écrits et leurs ouvrages. وَكَذَلِكَ مَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ مِنَ الْفِرَقِ الْجَمَعَاتِ الْمُعَاصِرَةِ. De même, il en est de même pour les mouvements, les groupes, les sectes qui ont pris le même chemin que les groupes et les sectes qui les ont précédés. Parmi les tendances contemporaines, مِمَّنْ بَايَنَ أَهْلَ التَّوْحِيدِ وَالسُنَّةِ وَنَابَذَهُمْ. Parmi ces tendances qui se sont mis et se sont mis contre et face aux adeptes du tawhid et de la sunna, et il les a contredits. وَجَانَبَ مَنَاهِجَهُمْ. Et il a contredit leur cheminement et leur voie. بَلْحَارَبَهَا. Même plus, ils en sont arrivés à les combattre. وَنَفَّرَ عَنْهَا وَعَنْ أَهْلِهَا. Et ils ont fait fuir les gens de ce droit chemin et des adeptes du droit chemin. وَيَلْحَقُ بِهِمْ مَنْ يُنَاصِرُهُمْ وَيُدَافِعُ عَنْهُمْ وَيَذْكُرُ مَحَاسِنَهُمْ. Et les rejoint ces tendances égarées et ces sectes, ceux qui vont les défendre, ceux qui prennent position pour eux, ceux qui les citent en bien. وَيَشِيدُ بِهَا وَيَشِيدُ بِشَخْصِيَّاتِهِمْ وَزُعَمَائِهِمْ. Et qui est fier d'eux et de leur leader et de leur maître. Il dit en annotation, هَذَا إِذَا كَانَ يَعْرِفُ حَالَهُمْ وَمَا عِنْدَهُمْ مِنْ مُخَالَفَةٍ لِلسُنَّةِ. Ceci, si cette ou ces personnes qui font leurs éloges, qui parlent en eux de bien, est au courant. Il a été mis au courant sur l'état de ces gens-là et de leur mouvement, et il a été mis au courant sur leur contradiction avec la sunna. Parce que parfois, il se peut que quelqu'un cite en bien un groupe de gens, cite en bien des personnes, mais parce qu'ils pensaient qu'ils étaient bien. Ils ne savaient pas qu'ils avaient des choses qui vont à l'encontre de la sunna du tawhid. Ils n'étaient pas au courant. Donc celui-là est excusé à ce moment-là. Mais celui à qui on a mis en garde, on lui a expliqué, on lui a montré, il n'en a pas tenu rigueur, eh bien, dans le mal, il est rejoint, puisqu'il fait leurs éloges et puisqu'il parle en eux de bien, donc dans ce mal-là, il est rejoint. وَقَدْ يُفَضِّلُ مَنَاهِجَهُمْ عَلَى مَنْهَجِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ. Et parfois même, il se peut que telle ou telle personne vienne à donner préférence et à préférer la voie ou le cheminement de ces sectes et de ces mouvements plus que le chemin de tawhid, de la sunna et du groupe. Et cela, il y en a. On a des gens qui sont membres dans des sectes, qui sont adhérents dans des sectes. On a des personnes, clairement, ils ne le sont pas. Et parfois même, ils peuvent faire apparaître la sunna. Mais dans la prise de position et dans le fait de montrer et de clarifier la vérité, ils ne le font pas. Mais au contraire, ils parlent en eux en bien. Donc ces personnes-là, s'ils ont été mis au courant, alors il est rejoint dans le mal. Il est avec eux et la personne, il est avec celui qu'il aime. ثانياً الرواة والشهود. Deuxièmement, les narrateurs. Les narrateurs, on se doit de savoir leur état, puisqu'ils sont dans la chaîne de narration des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour savoir est-ce qu'on peut prendre ou pas, est-ce que le hadith il est valide ou pas. Donc on est censé savoir l'état de ces narrateurs, de même que les témoins. Les gens qui viennent témoigner, on doit savoir. Une personne qui est connue pour être un menteur, on ne peut pas accepter son témoignage, puisqu'il se peut qu'il ment dans son témoignage. إِذَا كَانُوا مَجْرُوحِينَ جَازَ جَرْحُهُمْ بِإِجْمَعِ الْمُسْلِمِينَ. Si ceux-là, les narrateurs et les témoins, sont critiquables. On les a critiqués et on a prouvé qu'ils ne sont plus valides, qu'on ne peut pas prendre d'eux, alors il est permis de faire leur critique. Et en cela, il y a l'unanimité des musulmans. Bel huwa wajib, et c'est même une obligation. قال ذلك وحكاه النووي وابن تيمية رحمهم الله. Cette règle a été citée et précisée par l'imam النووي et l'imam ابن تيمية رحمهم الله. وإن المتتبع لما قام به أئمة الإسلام في نصرة هذا الدين ومن ذلك الرد على المبتدعة يجد أن أئمة الإسلام تكلموا في أهل البدع وفي الرواة ولم يشيروا إلى الموازنة بين الحسنات والسيئات. Et celui qui vient à suivre, celui qui lit, qui s'instruit dans les ouvrages des imams de l'islam, il verra comment ils ont secouru la religion. Et dans ce secours qu'ils ont apporté à la religion, il y a qu'ils ont réfuté et répondu aux erreurs des innovateurs. Il trouvera cette personne que les imams de l'islam ont bien parlé sur les gens de l'innovation, sur les narrateurs. Et lorsqu'ils le faisaient, ils n'allaient pas à faire une recherche de même sur les bons côtés de ces personnes. Et lorsqu'ils font leur critique, au même moment, ils citent ce qu'ils ont comme bonne action ou bonne chose qui va en leur faveur. Jamais. C'est ce qu'on appelle al-muwazana, que les innovateurs ou certains innovateurs disent ou al-sunnah, lorsque vous critiquez quelqu'un, vous vous devez de parler quand même en lui de bien. Vous devez de citer ses bons côtés. Cela n'existe pas. Ça, c'est une invention, c'est une innovation. Ça n'existe pas chez les savants et les imams de l'islam. Lorsque, par exemple, ils disaient tel narrateur est un menteur, il s'arrête là. Il ne disait pas, mais en dehors de cela, c'était quelqu'un qui faisait la prière la nuit, qui jeûnait, qui donnait des aumônes, qui faisait. Il n'y a pas d'utilité, ce n'est pas le moment. Là, le besoin, c'est de préciser son état. Donc, ce narrateur qui est dans cette chaîne de narration, voilà son état. Les ulama de l'hadith, par exemple, ils disent, dans cette chaîne de narration, il y a un problème. Le hadith, il n'est pas bon. Pourquoi ? Parce qu'il y a un tel et un tel et un tel dans la chaîne de narration. Un tel, l'imam Ahmed a dit sur lui telle chose. Al-Bukhari a dit sur lui telle chose. Yahya ibn Ma'in a dit. Voilà, directement la critique. Là, on n'est pas en train de faire une recherche totale de tout ce qu'on aurait pu faire de cette personne. Non, c'est cette personne, son nom se retrouve là. On veut savoir, est-ce qu'il est digne de confiance ? Est-ce qu'il mémorise bien ce qu'il apprend ? Est-ce que, pour savoir, est-ce que le hadith, au final, il est bon ou pas ? Et ça, c'est l'étude de la chaîne de narration que font les savants et les étudiants dans le domaine du hadith. وَأَلَّفُوا كُتُبًا فِي الْجَرْحِ وَالْتَعْدِيلِ. Et ils ont écrit des ouvrages dans ce grand chapitre de l'islam qui s'appelle Al-Jarh wa Al-Ta'dil, qu'on traduit par l'éloge et la critique. Al-Ta'dil, c'est de parler en quelqu'un en bien. Par exemple, un narrateur, les ulama disent, un tel, c'est quelqu'un qui est bien. Il est droit dans la sunnah. C'est quelqu'un qui mémorise convenablement et qui rapporte comme il a mémorisé. Ça, c'est en parlant bien. Ça, c'est, on appelle ça al-ta'dil. Al-jarh, c'est la critique. C'est le contraire. Wa kutuban fi nasri sunnah. Et ils ont écrit des ouvrages dans le secours et la défense à la sunnah. Wa rad ala al-bida' wa firaqihim. Et des ouvrages dans la réfutation des innovations et des sectes. Wa kutuban fi al-mawdu'at. Et ils ont écrit des ouvrages sur les hadiths inventés. Le hadith al-mawdou', c'est quelqu'un qui l'a inventé. Dans la chaîne de narration, il y a quelqu'un qui l'a inventé. Il n'est même pas faible, il est complètement inventé. Et en arabe, on appelle ça hadith mawdou'. Et il y a des ouvrages qui compilent les hadiths mawdou' pour mettre en garde la communauté que ces hadiths-là, ils sont inventés. Wa lam yujibu hadhihi al-muwazana min qarib wa la min ba'id. Et jamais ils n'ont rendu obligatoire ni un devoir de faire la paire entre les bons côtés et les mauvais côtés de la personne ou de la secte ou jamais, ni de près ni de loin. Dans tous leurs ouvrages, on ne retrouve jamais cette chose-là. Bal alafu kutuban khassatan bil jarh. Même plus, ils ont même fait des ouvrages précisément, spécialement dans la critique. Il n'y a même pas les éloges. وخصصوها بالمشروحين. Et ils ont précisé ces livres pour les narrateurs qui sont critiqués. Il y a des ouvrages des grands imams de la Sunna, hein, Kutub, Al-Majruhin, Al-Matrukin, ceux qui sont délaissés. On ne prend pas de leur citation ou des hadiths qu'ils rapportent. ومن تكل ما فيهم بجرح. Et de ceux dont il a été disent une certaine critique. وَلَمْ يَشْتَرِطُوا هَذَا الشَّرْطِ لَا مِنْ قَرِيبٍ وَلَا مِنْ بَعِيدٍ. Et jamais ils n'ont mis cette condition, ni de près, ni de loin, le fait de citer les bons côtés lorsqu'on fait la critique. وَإِنَّ النَّاظِرَ فِي كُتُبِ أَيْمَةِ السَّلَفِ يَجِدُ التَّحْذِيرَ مِنَ الْبِدَعِ وَأَهْلِهَا وَلَا يَجِدُ فِيهَا أَنَّهُمْ لَا يَذْكُرُونَ الشَّخْصَ إِلَّا مَقْرُونَةً حسناته بسيئاته وبدعه. Et celui qui regarde bien dans les ouvrages des imams, des pieux prédécesseurs, il y trouvera la mise en garde contre les innovations et les adeptes de l'innovation, et ne trouvera pas dedans, lorsqu'on cite la personne, le mal qu'il a, juste à côté, on va citer son bien. Non. بل يذكرون مثالب الكتاب أو الجماعة أو الفرد المتكلم فيه بدون التفات إلى ما في ذلك من حسنات. Donc ils citent les mauvais côtés, ce qui a critiqué dans le livre, dans le mouvement, la secte, le groupe ou dans la personne sur laquelle il est parlé, sans regarder les bons côtés qu'il peut avoir. انظر ما كتبه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله وابنه عبد الله رحمه الله وما كتبه البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد وما كتبه الخلال وابن خزيمة في كتب السنة والتوحيد كتاب السنة للخلال وكتاب التوحيد لابن خزيمة رحمهم الله. Regarde dans ce qu'a écrit l'imam Ahmed ibn Hanbal رحمه الله là-dessus. De même que son fils, l'imam Abdullah, rahimahullah. De même que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, à titre d'exemple dans son ouvrage « Khalqu af'al al-ibad ». Ça, c'est une réponse à des sectes égarées dans le domaine du destin. Ceux qui prétendent que la personne, c'est elle qui crée ses œuvres. Alors que chez al-Sunnah, Allah, il nous a créés. Et c'est lui qui a créé nos œuvres. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Et Allah vous a créé et ce que vous faites comme action. Donc l'imam al-Bukhari a écrit cet ouvrage en réponse. Khalqu af'ali al-ibad. Et ce qu'a écrit l'imam al-Khalal dans son ouvrage As-Sunnah, rahimahullah. Et l'imam ibn Khuzaymah dans son ouvrage At-Tawhid, rahimahullah. Wanzur. ما كتبه ابن بطة في الشرح والإبانة. De même que l'imam ibn Battah al-Ukburi رحمه الله dans son livre الشرح والإبانة. والشرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله ومقدمة شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. De même que dans l'ouvrage شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة, les commentaires du dogme ou de la croyance des fondements de Ahl al-Sunnah wal Jama'a de l'imam al-Lalakai et l'introduction de Sharh al-Sunnah de l'imam al-Baghawi, celui qui a le tafsir al-Baghawi, un des grands tafsirs de référence chez Ahl al-Sunnah. ومقدمة ابن ماجه رحمه الله إلى مقدمة l'introduction de l'imam ابن ماجه رحمه الله dans ses sunan والسنة لأبي داود في كتاب السنن de même que le chapitre ou le livre de la sunna يعني on a le grand dans les livres de hadith on a un grand chapitre et on a des sous chapitres le grand chapitre on l'appelle kitab à l'intérieur du livre on l'appelle kitab et les sous chapitres hein, il l'appelle bab c'est le chapitre en lui-même donc le livre de la sunna dans les sunan de l'imam Abi Daoud rahimahullah ta'ala wal hujja fi bayan al mahajja li Abi al Qasim al Tayyim al Asfahani rahimahullah wanzur donc un autre ouvrage aussi l'ouvrage qui s'appelle al hujja fi bayan al mahajja de Abu al Qasim al Tayyim al Asfahani rahimahullah wanzur mu'allafat Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ou Ibn al-Qayyim ou Muhammad ibn Abdul Wahhab et regarde aussi dans les écrits dans les ouvrages des grands savants comme Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim et Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah ta'ala wanzur mawaqifahum wa ta'amulahum ma'a ahli al-bid'a et voyez donc là-dedans les positions qu'ils avaient et leur façon d'agir vis-à-vis face aux gens de l'innovation. قلت je dis donc le cheikh dit je dis إن علماء السلف قد ردوا على الطوائف المبتدعة. Donc les savants des pieux prédécesseurs ont réfuté aux sectes innovatrices. فقد ردوا على الروافد والقدرية والجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة والأشاعرة والماتريدية والصوفية. Donc ils ont réfuté, à titre d'exemple, à ces grandes sectes comme les chiites, les qadarites, les jahmites, les mu'tazila, les kharijites, les murji'a, les ash'arites, les maturidiyya, les soufis, comme raddu ala ru'us al-mubtadi'a. Ça c'est en tant que tendance, en tant que mouvement, en tant que secte, comme raddu ala ru'us al-mubtadi'a. Et de même, ils ont répondu aux élites et aux maîtres des innovateurs. Et là, ce sont les personnes bien précises. Quel Jahm ibn Safwan, wa Bishr al-Marisi, wa ibn al-Mutahhar al-Hilli, wa al-Razi, wa ibn Arabi al-Nakira, sans aliflam, ne pas confondre avec al-Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki, le grand savant malikite, qui n'a rien à voir avec ce ibn Arabi, qui est un maître, le maître des maîtres chez les soufis. Et qui est venu avec des paroles de mécréance, on ne sait même pas si des gens l'ont précédé là-dedans. Wal-iyadu billah. Et il est respecté chez beaucoup de soufis. Wal-iyadu billah. Donc à ne pas le confondre avec Al-Qadi ibn al-Arabi, al-Mu'arraf bi-al-Iflam. Waraddu ala al-Amidi, wal-Ghazali, wal-Bikri, wal-Akhnai, wal-Subki, wa-Ghayrihim. Donc tous ceux, de près ou de loin, qui ont été à l'encontre de la sunna. Certains ont été très très loin dans l'erreur, d'autres moins, mais à chaque fois, ils répondaient et ils réfutaient aux erreurs, soit des groupes et des mouvements, ou soit des personnes bien précises. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ السَّلَفِيِّينَ الْمُعَاصِرِينَ اِقْتَفَوْا أَثَرَ سَلَفِهِمُ الصَّالِحِ فِي الرَّدِّ عَلَى الطَّوَائِفِ الْمُبْتَدِعَةِ Donc les ulama salafis, contemporains, lorsqu'ils répondent, lorsqu'ils réfutent à des mouvements, à des tendances ou à des personnes innovatrices, ils ne font en cela que suivre et d'être sur le chemin des pieux prédécesseurs. Et lorsqu'ils réfutent aux maîtres et aux têtes de l'innovation et de l'égarement. Et c'est pour cela qu'ils ont réfuté et ils ont répondu aux tendances soufis ainsi qu'aux groupes ou aux partis sectaires contemporains que ce soit les frères musulmans que ce soit les tablirs que ce soit jama'at al-takfir que ce soit jama'at al-tahrir que ce soit quels que soient les mouvements dès qu'ils vont à l'encontre de la sunna les ulama ils répondent parce qu'ils se doivent c'est un engagement qu'ils ont auprès d'Allah, puisqu'Allah il leur a donné la science, puisqu'ils sont les héritiers des prophètes, de préserver la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de préserver le Coran et la sunna de tout ce qui a été introduit faussement et mensongèrement, de remettre, comme on dit, les pendules à l'heure et de montrer la vérité à la masse des gens, car la masse des gens ne savent pas, beaucoup ne savent pas, beaucoup ignorent, et c'est pour cela que certains essaient de les induire dans l'erreur. Dès qu'il y en a un qui connaît un peu, c'est déjà un leader pour les gens, tellement qu'ils sont plongés dans l'ignorance. Comme a dit le prophète sallam, Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an min qulub al-ibad, walakin yaqbidu al-ilma biqabd al-ulama, hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftu bighayri 'ilmin fadallu wa adallu. Allah, le prophète sallam dit, Allah ne prend pas la science des cœurs des hommes, mais il prend la science en prenant l'âme, en prenant la vie des savants. Il leur donne la mort jusqu'à qu'il n'y ait plus de savants. Et là, les gens prendront comme élite, prendront comme moufti, comme personnes qui vont leur répondre à leurs questions, des ignorants. Et à ces ignorants, des questions leur seront posées. Ils y répondront sans science. Et là, ils s'égareront et ils égareront les autres. Et combien sont-ils nombreux ? Surtout avec les moyens qu'il y a aujourd'hui, comme Internet et autres. Combien des beaux parleurs, combien des gens qui font des discours, Wallahu al-musta'an, combien et combien, on ne peut les dénombrer. Combien essayent de prendre la place des savants alors qu'ils ne sont même pas étudiants dans la science religieuse. Combien parlent dans le halal et le haram sans aucune science. Combien parlent, combien parlent, combien parlent. On ne peut les dénombrer. Wal-iyadu billah. Donc, les frères musulmans, pareil, c'est des mouvements contemporains. Ils ont moins de 100 ans d'existence, mais ils sont égarés. C'est un mouvement qui a émis des règles que leur maître, leur fondateur, Hassan al-Banna, a émis. Ils se sont prêtés allégeance là-dessus. Ils ont fait le bay'a là-dessus. Ils ne reviennent pas là-dessus. C'est bon. Puis, ils acceptent toutes les personnes qui accepte ces règles-là, quelle que soit sa croyance. C'est pour cela qu'à l'intérieur de ce mouvement, vous avez des gens qui sont à fond dans le soufisme, vous avez des gens qui sont dans tel chacun. Et parfois, il y a des gens, plus ou moins, ils ont un dogme proche de la sunna. Pourquoi ils acceptent ? Parce qu'ils ont accepté ces règles qu'ils ont émises. Wal'iyadu billah. Et donc, gérés par des gens qui ne sont pas dotés de science, et la base même de leur mouvement, le principe même, c'est d'atteindre le pouvoir. C'est pour cela que les frères musulmans, vous les verrez souvent, ils sont attirés par la politique. La politique, c'est le point essentiel. D'atteindre le siège, la chaise du président, ou du parlement, ou du ministère, ou de la mairie, ou de, c'est ce qu'ils veulent. Une fois qu'ils l'ont atteint, c'est comme si c'était fini. Il n'y a plus rien à faire, ça y est. On a eu ce qu'on voulait. Wal'iyadu billah. Comme si les prophètes, leur mission s'arrêtait là. Wal'iyadu billah. Donc ce ne sont pas les héritiers des prophètes. Les héritiers des prophètes, ce sont les ulama. Ce sont les savants rabbaniyin. At-tablir, ils disent qu'ils transmettent l'islam. Ils se sont regroupés et ils ont dit on va transmettre l'islam. Quel islam ? Ce que eux reconnaissent comme islam. C'est-à-dire cet islam rempli d'ignorance. Même s'ils sont, on sent chez eux de la volonté ou je ne sais quoi, mais ils sont dans l'ignorance, ils sont dans l'erreur. Et ils commettent beaucoup d'erreurs. Donc tout ça, c'est innové. Ça n'existait pas à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi de suite pour les autres mouvements. Jama'at al-Takfir, les héritiers de l'Khawarij. Leur but, c'est de rendre mécréants. Pour pouvoir s'attaquer aux gens. Hein? Donc, et les calamités et les malheurs des musulmans, c'est ce qui les fait à peu près vivre. S'il n'y avait pas de problème en Palestine, il n'y avait pas de problème dans le monde musulman, je ne sais pas comment ils feraient pour avancer dans la communauté. Mais le fait qu'il y ait des problèmes dans le monde musulman, ça les arrange. Parce qu'ils savent que la majorité des musulmans, tous les musulmans, tout bon musulman, il est quand même touché par le mal qui touche ses frères, ici ou là. Donc ils viennent par le côté sentimental. Le côté sentimental. Puis, les gouvernants, ils ne sont pas musulmans. Pays musulmans, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les mosquées, il ne faut pas prier dedans. Pourquoi ? Parce que les gens qui prient dedans, ce ne sont pas des musulmans. Et tout doucement. Les savants, ce ne sont pas des musulmans. Pourquoi ? Parce qu'ils ne disent pas ce qu'on dit. Et puisqu'ils ne disent pas ce qu'on dit, et puisqu'ils ne rendent pas mécréants ceux que nous, on rend mécréants, donc ce ne sont pas des musulmans. Et ainsi de suite, jusqu'à même que parfois, la personne, elle croit qu'elle est la seule musulmane sur terre. Parce que même entre eux, ils en arrivent à se rendre mécréants et à se taxer de mécréants. Wal'iyadu billah. Un danger dans la communauté. Un mal dans la communauté. Qu'Allah nous en préserve. Al-mukhalifa li hadyi an-nabi sallallahu alayhi wa hadyi ashabihi. Tout cela vont à l'encontre, sont en contradiction avec la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la guidée de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Wa raddu ala kulli man khalafa as-sunnah wa hadyi as-salaf as-salih fi qalilin aw kathir idha 'alimu bidhalik nusratan li din al-islam. Et ils ont réfuté et répondu à tous ceux et à toute personne qui contredit la sunna et qui contredit la guidée des pieux prédécesseurs, que sa contradiction, elle soit minime ou elle soit grandiose, elle soit petite ou elle soit grande, lorsqu'ils en ont la connaissance, lorsqu'ils savent qu'il y a eu cette contradiction. Pourquoi ils font cela ? Pour venir en secours et en aide à la religion de l'islam. ثم إن هؤلاء العلماء السلفيين المعاصرين الذين ردوا على رموز المبتدعة في هذا العصر صاروا على المنهج الصحيح وهو عدم الموازنة بين الحسنات والسيئات. Puis ces savants salafis contemporains, lorsqu'ils réfutent, lorsqu'ils répondent aux têtes et aux élites des innovateurs de cette époque, de notre contemporain, ils ont suivi le bon chemin, le chemin authentique, qui est de ne pas citer les bonnes actions au moment où on fait la réfutation et on parle des erreurs et des innovations de ces personnes. وَمِنْ أَحْسَنِ مَا أُلِّفَ فِي ذَلِكَ. Et parmi les meilleurs ouvrages écrits dans ce domaine, وَنَالَ اسْتِحْسَانَ الْعُلَمَا, et dont les ulama en ont fait les éloges, هو كتاب, c'est l'ouvrage منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف. C'est cet ouvrage qui s'appelle La voix des gens de la sunna et du groupe dans la critique faite aux hommes, aux livres et aux partis, aux mouvements. Les Cheikh Al-Allama Dr. Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali حفظه الله تعالى وقد أيد منهج النقد الذي ذكره الشيخ ربيع أبرز علماء هذا العصر. Et sont venus soutenir les conclusions de cet ouvrage. Et comme quoi il ne faut pas citer, et ce n'est pas demandé de citer les bonnes actions lorsqu'on fait la critique, les grands savants de cette époque. وَمِنْهُمْ الشَّيْخِ الْعَلَّامَ الْإِمَامِ عَبْدُ الْعَزِيزِ إِبْنُ بَازِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالشَّيْخِ الْعَلَّامَ مُحَمَّدْ نَاصِرُ الدِّينِ الْأَلْبَانِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى والشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وغيرهم et bien d'autres. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.